plaisir, moi, c'est quand ça sent les pâtes à frites. Moi, c'est quand je vois quelqu'un qui sourit dans son auto. Ah, moi, c'est quand il fait chaud et que je sens un petit vent léger qui caresse mes cheveux. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir deux personnes qui s'embrassent sur le trottoir. Mon plus plaisir, c'est lorsque mes parents écoutent l'Opinard du chef avec Denis Barry, le jeudi soir entre 20h et 22h à CKRL. Ce soir-là, c'est inévitable. Ils sont toujours de bonne humeur. Ça me fait plaisir. We interrupt this record to bring you a special bulletin. Good God! Vous écoutez CKRL 89.1, la radio des découvertes. What happened? Bonsoir et bienvenue à Web Musique. C'est Simon Roy qui est en votre compagnie. Encore une fois, cette semaine, je vous ai trouvé une belle sélection de musique gratuite. Je vous rappelle que pour si les pièces vous intéressent plutôt, vous pouvez les télécharger sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Donc, vous pouvez télécharger les pièces. Puis, l'émission est disponible aussi en balado-diffusion. Donc, si vous voulez la réécouter ou si vous avez manqué l'émission, bien, c'est possible de la télécharger. Cette semaine, on va débuter avec une étiquette qui s'appelle Bruit, une étiquette de l'Autriche qui se spécialise dans la musique électronique. Cette semaine, ils ont lancé une compilation qui rend hommage à l'auteur de science-fiction Philip K. Dick. La compilation s'appelle « The Past Inside the Future, a tribute to Philip K. Dick ». Si vous ne connaissez pas Philip K. Dick, c'est lui qui est responsable des livres sur lesquels les films « Minority Report »,« Blade Runner », même « Total Recall ». Donc, c'est un auteur de science-fiction qui a été très prolifique. Donc, cet album-là lui rend hommage. On débute tout de suite avec Dr. Nackstrom, la pièce Eye in the Sky. Ça va être suivi par V Galaxy Orchestra, la pièce Observatory View. Puis enfin, on va entendre Frenwald. Je ne vous prononcerai pas le titre parce que c'est une série de lettres et de chiffres. Donc, pour tout de suite, Dr. Nackstrom avec Eye in the Sky. Sweetheart. Be reasonable. After all, we're married. Vous venez d'entendre trois pièces qui sont sur un album compilation qui s'appelle « The Past Inside the Future, A Tribute to Philip K. Dick ». Donc, comme le titre l'indique, c'est un hommage à l'auteur de science-fiction Philip K. Dick. C'est sur l'étiquette Bruit, une étiquette autrichienne. On vient tout juste d'entendre Firnwald. Avant ça, c'était V-Galaxy Orchestra avec sa pièce « Observatory View ». Puis enfin, on avait débuté avec Dr. Nackstrom, la pièce Eye in the Sky. On se déplace cette fois-ci du côté du Mexique avec l'étiquette Static Discos, une étiquette vraiment intéressante qui donne elle aussi dans l'électronique. Une étiquette qui, entre autres, comme artiste Fax, je vous fais passer sa pièce qui s'appelle Cuarto para Tres. C'est sur un album compilation qui vient tout juste de sortir qui s'appelle Safety Stock. Donc, sur l'étiquette Static Discos. Pour tout de suite, Fax avec la pièce Cuarto para Tres. Thank you. Le 23 juin, Tania Beaumont anime en direct du spectacle Nouvelle Voix, Nouveau Refrain à la Place Diouville. Présenté par la Société nationale des Québécois et des Québécoises et l'incubateur de musique francophone, ce spectacle tremplin est destiné à la relève musicale d'ici. Dès 19h, entrevue avec les artistes sur place et à 20h, Antonin de la Gabatine, Madame Moustache, Céline Boissonneau et Isabeau en prestation live en direct sur les ondes de CKRL. Dans le cadre de la fête nationale, la Société nationale des Québécois et des Québécoises, en collaboration avec l'incubateur de musique francophone, encourage la scène émergente. Ouvert depuis 1985, le Bal du Lézard, situé au cœur du magnifique quartier de Limoilou, est un classique pour les étudiants. Voici ce que vous y trouverez. Un spectacle tous les jeudis et samedis soirs, de la vodka, une spécialité, offerte en 15 variétés, un 5 à 7 tous les jours, Internet sans fil gratuit, 3 bières pression de la Barberie, petite bouffe, soit pizza ou hot dog européen, du baby-foot gratos les mardis, des expositions. Le Bal du Lézard, 3e avenue à Limoilou, 529-3829 ou lebaldulezard.com. Au Bal du Lézard, vous n'aurez plus le sang-froid. Vous écoutez CKRL 89.1, la radio des découvertes. De retour à Web Musique, c'est Simon Roy qui est en votre compagnie. Avant la pause, on entendait une pièce de Fax. Fax, qui est un Mexicain qui est sur l'album. C'est sur l'album Safety Stock, une compilation qui nous vient de l'étiquette Static Discos. Fax, qui est lui-même un cofondateur de l'étiquette mexicaine. Donc, je vous le recommande fortement. Il y a toujours des albums assez intéressants, assez planants, souvent complexes. Donc, je vous le recommande.

Vous écoutez toujours l'émission Web Musique, c'est Simon Roy qui est en votre compagnie. On vient tout juste d'entendre Das Kraftfutter Mischwerk, la pièce Der Blaue Domen. C'est un artiste qui nous vient de l'Allemagne. C'est sur l'étiquette italienne A Quiet Bump. Une étiquette, je vous ai déjà fait passer quelques artistes sur cette étiquette. Je vais sûrement vous en faire passer d'autres. Ils ont toujours du bon matériel. On se déplace cette fois-ci vers l'étiquette Autarch. Je vous fais entendre John E. Flash, la pièce Pasture. Ça va être suivi par Rosa. La pièce, attendez un peu, la pièce s'appelle Irenash Vili Jan. C'est sur l'étiquette russe Top 40. Donc pour tout de suite, John E. Flash. Thank you. Thank you. C'était Rosa avec la pièce Irenashvili, Jan, une genre de pièce, comment je pourrais qualifier ça, de l'électro des Balkans. Donc, c'est sur l'étiquette russe Top 40, une étiquette qui a quand même beaucoup d'albums à son actif. Je vous invite à la visiter l'étiquette. Pour ça, ben, vous vous rendez au www.webmusique.org. C'est le blog de l'émission. Là-dessus, vous allez avoir le lien vers l'étiquette. Avant ça, c'était John E. Flash, la pièce Pasture. C'est sur l'étiquette Autark. Pour terminer l'émission, on va entendre un peu de field recording. Qu'est-ce que c'est le field recording? Ben, c'est des enregistrements d'ambiance. Il y a quand même beaucoup de musique gratuite. Il y a beaucoup de field recording plutôt qui sont disponibles gratuitement. Je vais vous faire entendre un artiste de la ville de Québec qui s'appelle Jamorins. Un artiste qui a fait un voyage en Syrie en 2007, puis qui s'est promené un peu partout, qui a fait des enregistrements au fur et à mesure de son voyage. Donc, je vais vous faire passer deux pièces. La première s'appelle L'Attaka Sharia. Ça a été enregistré le 29 mai 2007. Puis la suivante s'appelle Jaber Assar Singing for Christian and His Muslim Friends from Canada. C'était au Qualat des Chevaliers en Syrie, enregistré le 10 mai 2007. Donc, je vous invite à entendre ces ambiances. C'est par l'artiste Jamorins. C'est tout pour Web Musique. Je vais vous laisser par la suite, après ces deux pièces-là, au bon soin de François G. Couillard pour son émission complètement sautée hors limite. Donc, pour tout de suite, Jamorins. Thank you. Les Nuits en musique vous sont présentées par votre directeur musical, Daniel Marcoux. Écoutez CKRL tous les jours de la semaine durant les petites heures du matin et laissez-vous guider par l'humeur musicale de Daniel Marcoux. Les lundis urbains, les mardis 100% franco, les mercredis folk et world beat, les jeudis Britpop et post-rock, les vendredis flashback et les samedis du métal avec DJ Benz. CKRL, la radio des découvertes, 24 heures sur 24, 7 jours, 7 soirs, même le dimanche. Saviez-vous que Vox passe l'été dans le quartier Saint-Roch à Québec pour vous présenter une émission? Une émission culturelle? Une émission d'affaires publiques? Une émission sportive? Une émission touristique, économique ou politique? C'est un peu de tout ça, avec une équipe de reporters, de chroniqueurs et d'invités issus de tous les horizons. Ne manquez pas Rue du Parvis à Vox du mardi au vendredi. Dès le 27 mai. L'incubateur de musique francophone présente La fête nationale, c'est à Place Diouville que ça se passe. Pour la cinquième année consécutive, la Place Diouville vous offre le spectacle Nouvelle voix, nouveau refrain. Une soirée de découverte unique. Au programme cette année, le country rock aux accents bluegrass de Madame Moustache, l'univers éclaté et surréaliste de Antonin de la Gabatine, les mots et la poésie de Céline Boissonneau, le country folk harmonieux de Isabeau. Nouvelle voix, nouveau refrain pour les amateurs de chansons francophones. Le 23 juin 2008 à compter de 20h à la Place Diouville. Une présentation de la SAQ, de la SNQC, en collaboration avec la Ville de Québec et avec la participation du Grand Rire et du Capitole de Québec. Vous avez bien syntonisé le C, le K, le R, le L. CKRL.